Amis humains, bonjour. Voici une petite mise à jour de la pensée d'Albert Camus. En ces temps où l'humain a tendance à devenir une valeur plutôt relative. Sixième partie. Les métamorphoses du sacré. Nous en revenons donc à l'inextricable lien entre interrogation et révolte. Toutes deux appartiennent à la logique de la finitude, à la conscience que le monde n'est pas une personne animée ou une finalité téléologique. En face, on trouve en revanche la logique du sacré, où toutes les réponses sont données en une fois. Ces deux logiques s'excluent mutuellement. De sorte que, il ne peut y avoir pour un esprit humain que deux univers, celui du sacré, ou, pour parler le langage chrétien, de la grâce, et celui de la révolte, ibide. C'est le tout ou rien. Si l'on prend l'existence au sens où l'entend Camus, en dehors et contre l'habitude, l'existence comme absurde et révolte, alors le sacré représente l'anéantissement de l'existence. Mais entendons-nous, il s'agit du sacré dans tous ses travestissements, jusque dans ses formes déconcertantes. Camus veut chasser et démasquer les innombrables fantaisies mimétiques du sacré, ses métamorphoses, laïques, et ses travestissements, athées, dans la culture contemporaine. Dans le labyrinthe de l'apparent désenchantement, la finitude est trahie selon des modalités diverses, dont le point commun est la démesure, et d'abord sous forme d'hypostase. Voyons. L'homme est individu, l'homme est solitude. Cette condition, ces prédicats d'existence, sont transformés en substance. La solitude devient l'unique, et la précision clinique dont avait usé Stirner pour qualifier les hypostases Dieu, l'État, la société et l'humanité de mensonges abstraits se conclut par un nouveau mensonge et une nouvelle hypostase, un moi dressé contre toutes les abstractions, devenu lui-même abstrait. La solitude de l'individu face à la nature et aux autres, cette double désorientation face à un monde sans but se trouve absolutisée et personnifiée. On la nomme l'unique alors qu'elle n'est rien d'autre que le devenir Dieu d'un individu face aux autres. Pour que l'unique soit, il faut que la multiplicité humaine disparaisse. L'unique devient donc le tout, renversant et supprimant ainsi la solitude des individus finis dont il tirait son origine. Entre-temps, cet individu, tout justifie son droit à accomplir n'importe quelle action qui annihile la multiplicité des autres. Vivre, c'est transgresser, ibide. On arrive à cela par une deuxième hypostase. L'homme fini est un fragment de la nature, un mélange d'instinct et de passion, de pulsion. C'est pour arraisonner cette finitude qu'il faut reconnaître l'illusion d'un agencement divin. Mais cette lucidité se trouve trahie de manière retentissante dès que l'instinct, intrinsèquement fini, est intronisé à la place de Dieu. C'est l'astuce métaphysique que Camus dévoile chez le marquis de Sade, les instincts chez lui deviennent cosmos, nomos, nécessité. L'ordre divin semble nier, en réalité seul son nom change. L'ordre instinctif, divinisé, est tout aussi astreignant. La scélératesse devient la norme, la transgression devoir. D'où l'annihilation du multiple qui suit inévitablement l'hypostase. La liberté illimitée du désir signifie la négation de l'autre. Mais aussi, toute puissance tend à être unique et solitaire. Il faut encore tuer, à leur tour, les maîtres se déchireront. À travers ce stoïcisme du vice, Sade, selon Camus, a, deux siècles à l'avance, sur une échelle réduite, exalté les sociétés totalitaires au nom de la liberté frénétique que la révolte en réalité ne réclame pas. L'hypostase. l'inéluctable nécessité de juger le monde, de ne pas le subir, dont on a vu qu'elle caractérisait l'homme révolté et toute existence authentiquement finie, peut elle aussi, quand elle est la proie de la démesure, devenir son propre contraire. Elle devient le délire d'omnipotence par lequel l'idéologie prétend recréer le monde. Ce qui existe devient alors une page blanche que l'on peut utiliser pour n'importe quelle expérience in corpore vili. C'est l'obsession de Mao Zedong et c'est la logique des révolutions totalitaires. Créer le monde, c'est-à-dire se substituer à Dieu, Elubri réalise cette mutation alchimique en faisant de l'individu fini loin de l'idéologie, le vase de l'infini. Bien que, dans les cas que nous venons de voir, le premier mouvement semble anti-métaphysique, l'horreur du multiple démontre que l'on se trouve en réalité dans une pensée de la superstition, qui veut exorciser la finitude et la mort, c'est l'horizon de la pseudo-religion. Le même mécanisme de transcendance et de négation de la finitude, de la multiplicité, des individus, opère dans d'autres catégories, souvent hégémoniques dans la culture moderne, le peuple, la volonté générale, l'histoire, le genre humain. Fin de la sixième partie. C'était une sélection Radio Parasite. À bientôt et grosse bise numérique.